nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au début des années 70, une série d'émissions signées Pierre Girard et Richard Rein donne la parole à des cinéastes français ou étrangers, tels que Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Pierre Fleischmann, Alain Robbe-Grillet, à eux et aux comédiens ou réalisateurs ou techniciens qui les entourent, le temps d'un ou de plusieurs films. Le 24 janvier 1973, Éric Rohmer est l'invité de Clap Sûr. Plus tard, il tournerait La Marquise d'Eau, Perceval le Gallois, La Femme de l'Aviateur, Le Beau Mariage, Pauline à la plage, Les Nuits de la Pleine Lune, Le Rayon Vert, L'Ami de mon Ami, et encore Les Contes des Quatre Saisons. Et aussi L'Arbre, Le Maire et La Médiathèque, etc., etc. Mais le 24 janvier 1973, il est surtout question de L'Amour l'après-midi, du Genou de Claire, de Ma nuit chez Maude et des Contes Moreau. Faut-il mettre en question le cinéma? Pas nécessairement. Pas plus qu'il ne faut mettre en question la littérature ou la peinture. Éric Rohmer, qui ne se reconnaissait qu'un seul maître, Jean Renoir, qui jugeait que l'important n'est pas de connaître les comédiens, c'était immédiat, mais que les comédiens devaient le connaître, lui, qu'ils le comprennent. Silence! Silence total! Moteur! Non. 175, c'est... Je peux vous poser une question, c'est pour la radio. Oui. Vous connaissez Éric Rohmer? Éric Rohmer? Non. Ça vous dit rien ce nom? Non. Éric Rohmer? Non. Non. Non. Pierre Girard. Richard Rein. Clap sur Éric Rohmer avec Nestor Almendros. Il aime avoir des équipes très réduites. Jean-Claude Brialy. Il n'aime pas parler pour ne rien dire. Claude Chabrol. C'est un mélange de Christopher Lee et de Boumédienne. Jacques Deniol-Valcroz. Rohmer a peut-être un côté janséniste. Françoise Fabian. Rohmer m'a inventé. Jean-Pierre Rue. C'est un monsieur qui s'intéressait au son et qui prenait au sérieux notre métier. Et nous. Bernard et Françoise Verlet. Il me demandait dans sa lettre de prendre rendez-vous avec sa secrétaire. Il a tout inventé, il a tout fait, c'est un génie. Hélas, parce qu'il y a des questions vraiment. Enfin, on verra. Il y a des questions vraiment qui. Qui m'ont été posées peut-être 50 fois. Ouais. Bon, enfin, on verra bien. Sur France Culture? Non, qui m'ont été posées 50 fois, je veux dire, par les journalistes, mais enfin, plus à l'étranger d'ailleurs, parce qu'en France, j'ai été interrogé par presque personne. Éric Rohmer. Né le 4 avril 1920 à Nancy, professeur de lettres, critique à la revue du cinéma, Les Temps modernes, La Parisienne, art, rédacteur en chef de la Gazette du cinéma, puis des Cahiers du cinéma, auteur d'un livre sur Hitchcock en collaboration avec Claude Chabrol, de 64 à 69 courts-métrages pour la télévision scolaire, deux films, Karl Dreyer et Le celluloïd et le marbre, pour la série Cinéaste de notre temps. Romer, auteur. Jusqu'à présent, je suis l'auteur de tous les films de fiction que j'ai fait. Et en ce qui concerne les choses qui ne sont pas de fiction, c'est-à-dire les œuvres d'information, eh bien, je participe toujours de très près à l'élaboration du texte. Par conséquent, oui, je revendique bien certainement cette appellation d'auteur. Mais moi-même, je ne sais pas si je serais capable d'être un auteur en m'inspirant d'œuvres des autres. Enfin, c'est peut-être plus facile d'être un auteur en écrivant ses propres scénarios que de l'être à la façon de Renoir en mettant en scène des choses qui n'ont pas été écrites par vous, certains. C'est par le cinéma que j'ai réussi à m'exprimer le mieux. Ce n'est pas seulement, disons, parce que je ne suis pas doué pour la littérature. Enfin, c'est un peu plus vaste que ça. Enfin, je ne parle pas seulement de moi, mais je peux parler de ma génération. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une certaine crise de tous les arts, et en particulier des arts qui font appel à l'écriture. Autant Doniol Valcroze était bavard, autant Godard était curieux, autant Chabrol était drôle. Et on ne peut plus écrire comme autrefois, et il faut mettre en question la langue elle-même. Autant Truffaut était débordé parce que lui, il était critique au journal Art. Non seulement la rhétorique, non seulement le style, l'expression, mais presque jusqu'à la langue. C'est ce que a fait la nouvelle poésie et ce qu'a fait le nouveau roman. Autant Rivette était mystérieux parce qu'il avait des pages, et écrivait des critiques qui étaient d'une clarté et d'une intelligence rare. Romer, lui, rentrait, sortait, je veux dire, c'était une espèce d'ombre. Alors, ou bien on accepte cette mise en question. On va jusqu'au bout, avec tous les risques que cela comporte, c'est-à-dire le risque même de la page blanche. Ou bien, peut-être, qu'on se réfugie dans un art dans lequel le classicisme de l'expression est encore possible. Et j'ai l'impression que ça a été un peu ce qu'a fait notre génération, même s'il est vrai qu'elle a quitté ce classicisme, et que certains ont mis en question non plus la poésie et non plus la littérature, mais le cinéma lui-même. Je pense par exemple à Jean-Luc Godard. Mais enfin, j'ai l'impression que même le travail de sape de Godard va moins loin, enfin oui, moins destructeur dans le domaine du cinéma qu'il ne serait s'il était un écrivain. Vous restez ici pour Noël ? Oui, en définitive. Je devais aller chez ma famille, mais ce sera pour le jour de l'an. Venez skier avec moi, la météo prévoit de la neige. Il n'y a jamais de neige à Noël. Ah, si, j'ai des copains qui viennent de skier. Non, je plaisantais. Je reviens du Canada britannique et... Ah oui, dans les pays protestants, la journée de Noël est très importante. Les gens ne sortent même pas de la maison, ils ne savent même pas s'il neige ou pas. Vous êtes protestant ? Oui, et vous ? Je suis catholique. Ma famille était catholique et je le suis resté. J'ai un certain tempérament classique et dans ce que j'ai fait jusqu'ici, je ne veux pas faire écrouler ce qui a été jusqu'à moi. Enfin, je n'ai rien de destructeur et mes œuvres n'ont pas une apparence révolutionnaire. Ça n'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais... Claude Chabrol. Il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, mais c'est un esprit foncièrement réactionnaire, grand Momo Yves. Il refuse absolument le progrès en bloc. Enfin, c'est pas... Mais en même temps, je ne voudrais pas être pour autant un conservateur, un réactionnaire, un retardataire. Enfin, je pense que... voilà ce que je pense. Je pense que le nouveau... Enfin, je pense qu'au cinéma, le classicisme n'est pas en arrière, mais il est en avant. Enfin, c'est une phrase que j'avais écrite, je crois, autrefois, dans un de mes premiers articles, quand j'étais critique. Et je crois que c'est encore vrai. Enfin, peut-être n'est-il pas aussi en avant qu'il était à ce moment-là. Il y a pas mal de temps que j'ai écrit ça. Ça devait être dans les années 50. Mais enfin, je ne crois pas qu'il soit aussi loin qu'il est dans les autres arts. Si on écrit quelquefois ou on dit qu'il est un personnage froid ou distant... Jean-Claude Brialy. C'est plus de la timidité ou de la pudeur que du mépris ou de l'orgueil. Et mettre en question le cinéma, je ne pense pas que ce soit aussi nécessaire qu'il est nécessaire de mettre en question la littérature ou mettre en question la peinture. Je crois qu'il y a dans le cinéma un réalisme, par exemple un réalisme fondamental, eh bien, qui, si on le nie, détruit le cinéma en même temps. Alors que cela n'existe pas dans la peinture. On peut très bien nier le côté réaliste de la peinture, penser que la peinture n'est pas faite pour représenter des objets et nous donner une information sur eux, alors que si ce côté informatif du cinéma, et ce côté même de reproduction assez bête du cinéma, nous le supprimons, on se demande si le cinéma a une raison d'être. Ce que tu fais ce soir ? Rien. Dînons ensemble ? Je vais au concert de Léonide Kogan. Viens, j'ai une place. Je devrais y aller avec quelqu'un qui n'est pas libre. Non, je n'ai pas du tout envie d'écouter de la musique ce soir. Il y aura le tout Clermont. Pas mal de jolies filles. Tes étudiantes. Il y a de très jolies filles à Clermont. Malheureusement, on ne les voit pas beaucoup. Personnellement, non, moi je trouve que mes films sont les produits de leur époque. Enfin, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas les produits de leur époque. Puisque je montre des choses de mon époque et que je les montre avec des moyens de mon époque. C'est une question d'information et de traitement de l'information. Encore faut-il que l'information existe. Si vous voulez dire que je tourne le dos aux choses qui se passent autour de moi, je ne suis pas du tout d'avis avec vous. Je ne pense pas. Enfin, je pense que je peins aussi bien mon époque que d'autres personnes qui sont, disons, à l'affût de l'immédiate actualité. C'est pas... Il est à la mode parce qu'il a toujours refusé les modes. Il est d'actualité parce qu'il ne la suit pas. Il est classique parce qu'il se refuse à suivre les vertiges passagers d'une technique envahissante. Robert Chazal, François. Court-métrage, journal d'un scélérat, présentation où Charlotte et son steak, Bérénice, la sonate à Kreutzer, Véronique et son cancre, Nadja à Paris, Place de l'Étoile, sketch de Paris vu par Chabrol, Douché, Godard, Paulet, Rouche, Romer, une étudiante d'aujourd'hui, fermière à Montfaucon. Long métrage, Les petites filles modèles, inachevé, Le signe du lion. Alors voilà, je n'ai pas fait grand-chose jusqu'ici, enfin. Mais dans tout ce que j'ai fait, il y a deux choses, si vous voulez, il y a les Comptes Moreau, il y a le reste. Alors, les Comptes Moreau, c'est quelque chose tout de même d'assez spécial, enfin, c'est une entreprise qui m'a pris exactement 10 ans, de 1962 à 1972. Et alors, ma méthode de travail pour les Comptes Moreau n'a peut-être pas été la même que pour le reste. Le reste qui est presque rien, enfin, qui se réduit à un film de fiction, Le signe du lion, et puis un certain nombre de films d'information. Les Comptes Moreau ont été conçus bien avant d'être tournés. Ce sont même des projets qui datent d'il y a 20 ans. Enfin, la conception finale, en tant que film, date de 1962, donc seulement d'il y a 10 ans. Alors à ce moment, je possédais tous les sujets et je possédais les titres. Mais les films n'avaient pas été traités, les dialogues n'avaient pas été écrits. Comte Moreau, la boulangère de Monceau, la carrière de Suzanne, ma nuit chez Maude, la collectionneuse, le genou de Claire, l'amour l'après-midi. Romer et ses comédiens. Romer n'est pas quelqu'un qui indique énormément de choses à ses personnages et qui les met dans un carcan. Françoise Fabian. Mais tout en leur laissant une grande liberté dans l'interprétation, il les amène à être ce qu'il veut qu'ils soient. Et ça, c'est un art d'une subtilité fantastique. Les comédiens ont été choisis, sinon tout à fait à la dernière minute, parce qu'en général, je n'aime pas, j'aime bien être à l'heure, enfin, j'aime bien que les choses soient faites un peu à l'avance. Et puis, il y a une autre raison, c'est parce que j'aime connaître les comédiens, ou même plus exactement, j'aime que les comédiens me connaissent, parce qu'il n'est pas tellement... Ce qui était important, je ne pense pas que ce soit que vous connaissiez les gens, vous les connaissez très vite, en fait. Vous pouvez juger en une réplique, en une phrase, en un clin d'œil, de la valeur de quelqu'un pour votre film. Et c'est comme ça, en général, que j'engage mes comédiens au premier coup d'œil. Et un jour, Romère me téléphone... Jean-Claude Brialy. Comme si nous étions quittés la veille... Et me dit, est-ce que tu as envie de tourner avec moi? Ben, je lui dis, écoute, bien sûr, tu es fou. Bon, ça s'appellera Le Genou de Claire, et nous tournerons dans 2 ans à Annecy. Est-ce que tu n'as rien contre les lacs? Donc, mes comédiens, je les choisis, disons, 6 mois, 1 an à l'avance, et pendant tout ce temps-là, enfin, ils s'habituent à moi, à ma façon de faire, et ça, c'est très important. Alors, nous nous sommes vus très souvent, Romer et moi, on se rencontrait de temps en temps, et on parlait d'autre chose que du film, on parlait de la vie en général, de telle chose qui nous intéresse, du cinéma. Par exemple, dans mes contes moraux, les rôles masculins sont beaucoup plus difficiles que les rôles féminins. Dans les rôles féminins, je demande tout simplement aux comédiennes d'être elles-mêmes. C'est un dialoguiste premier plan, et puis j'aime son univers. Et je me suis dit que là, il fallait que je réussisse ce personnage et que là, je pouvais enfin prouver que j'étais quelqu'un de valable. Si vous parlez de Françoise Fabian, elle n'était pas, contrairement à d'autres, elle était une comédienne de métier, c'est ça. Mais en même temps, je crois que ce rôle lui a plu énormément, c'est ça, et qu'elle a réussi, ce qui est difficile pour une comédienne de métier, à être elle-même, comme le sont les autres personnes, les interprètes féminines dans mes films. Tandis que dans les rôles masculins, il faut tout de même une grande habitude du cinéma, une grande habitude du texte, de la diction, etc. C'est pourquoi j'ai fait appel à des acteurs qui sont d'excellents comédiens. J'ai toujours eu de la difficulté d'ailleurs à les choisir. Par exemple Jean-Louis Trintignant, par exemple Jean-Claude Brialy, ou bien récemment Bernard Verlet, qui a un rôle effectivement beaucoup plus difficile que le spectateur ne peut croire. D'abord, Romer m'a dit quand il m'a engagé, je prends toujours des acteurs un peu sur la touche. Bernard Verlet. C'est peut-être pas très gentil pour ceux qui l'ont engagé avant, mais c'est quand même à peu près exact. En tout cas, moi, j'étais sur la touche quand il m'a engagé, donc il est évident que ça a changé beaucoup de choses. Méthode de travail. Je ne fais pas de répétition, ou très peu, très très peu. Il n'aimera pas une image qui ne correspond pas à la vision humaine. Et donc toutes ces images sont tout à fait naturelles. Je ne suis pas du tout contre le principe de répétition. Enfin, je pense que le cinéma, c'est une des... un des inconvénients du cinéma, afin de ne pas pouvoir répéter. Il y a certaines scènes enfin, qui seraient intéressantes de répéter, de mettre au point. Mais enfin, je ne le fais pas tellement. Non, je leur donne le texte en général. Je leur donne le texte et je les laisse s'imprégner du texte. Et il aime que la lumière soit naturelle. Nestor Almendros. Donne l'impression d'être naturelle. Que ça ne soit pas une lumière qui fasse studio, qui fait rechercher. Il faudrait que ça soit... Il y a évidemment une recherche, mais il ne faut pas que ça soit évidente. Enfin, si vous parlez de Manu Chémoz, par exemple, eh bien, c'est ainsi que ça s'est passé. Et d'ailleurs, si j'ai pu rencontrer à quelques reprises, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, je n'ai, pour ainsi dire, pas pu voir Jean-Louis Trintignant avant le tournage parce qu'il était continuellement occupé, il était en Italie. Alors, j'ai simplement donné mon texte. Ah, tiens, Pascal. Ça t'étonne? C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment. Et alors? Je suis très déçu. Dis, continue, ça m'intéresse. Non, je ne sais pas. D'abord, j'ai l'impression de le connaître presque par cœur, et puis ça ne m'apporte rien. Trintignant m'avait dit, est-ce qu'on peut faire des modifications à votre texte, ou est-ce que vous êtes à la virgule près? Alors, je lui ai répondu, et Ça dépend, il y a des virgules qui parfois sont très importantes. Alors à ce moment-là, il a dit, j'ai compris, il faut le dire exactement. Je lui ai dit, non. Il dit, si. Alors dans ce cas, vous voyez, la virgule a été respectée, et même, puis-je dire, les hésitations qu'il y a dans le texte sont des hésitations écrites. C'est justement parce que je suis chrétien que je m'insurge contre ce rigorisme. Ou alors si le christianisme, c'est ça, moi je suis athée. Quand nous avons commencé à tourner Le Genou de Claire, il m'a dit, si tu veux, dans le dialogue, il y a beaucoup de longueur, j'y tiens, mais s'il y a des choses que tu ne peux pas dire ou que tu trouves trop difficiles à dire parce qu'elles sont peut-être un peu trop écrites, tu n'as qu'à les arranger et puis on en parlera. Mais inversement, dans notre film, le texte a été écrit. Eh bien, une fois que je rencontre l'acteur, et parfois en collaboration avec les acteurs. Ayant lu ces 15 pages, que j'avais trouvées vraiment exceptionnelles, je parle du ton, du langage, car il est un des rares à écrire le français vraiment comme les grands écrivains. Évidemment, ce n'était pas facile à dire, mais je lui dis au contraire, je ne veux pas changer une virgule ni un mot. Je vais l'apprendre par cœur comme un classique. Alors là encore, vous distinguez deux cas, si vous voulez. Un cas dans lequel l'acteur n'a pas lui-même beaucoup de... n'apporte pas grand-chose, enfin ne veut pas apporter grand-chose, enfin vous distinguez de son personnage. Alors à ce moment-là, je m'entretiens avec lui. Parfois, ces entretiens sont faits devant un magnétophone comme ça, tout simplement, pour que je réécoute et que je vois un peu quelles sont les intonations de sa voix et quels sont les mots qui lui sont les plus familiers, quels sont les mots qui n'écorchent pas son palais. Bernard Verlet. On parlait très peu de cinéma. On parlait surtout des enfants, de la famille, des vacances, de la peinture, de la musique. Et enfin, alors, très exceptionnellement, l'improvisation pure, mais c'est très exceptionnel. Si vous voulez, c'est un homme qui prépare le hasard 6 à 7 à 8 à 9 mois à l'avance. Il ne dirige pratiquement pas sur le tournage, il dirige très longtemps par avance. On fait des répétitions, il vous apprend, si vous voulez, à pénétrer dans son univers, en tout cas dans ce qu'il veut montrer comme univers dans lequel on puisse pénétrer. C'est un bonhomme très curieux. Il travaille, si vous voulez, à distance. Vous êtes catholique? Oui. Mais catholique pratiquant? Ben oui. À le voir, on dirait pas. Si. Je vous vois très bien en boy scout. Je n'ai jamais été boy scout. Tandis que moi, j'ai été enfant de cœur. Je t'ai dit, tu seras curé. Eh bien, mes amis, je trouve que vous puez drôlement l'eau bénite, tous les deux. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Non, vraiment? Non, merci, vraiment. Et toi? Un petit scotch. Non seulement moi, je ne suis pas baptisée... Tu sais qu'elle appartient à une des plus grandes familles de libre-penseurs du centre de la France. Mais tu vois, Maud, l'irréligion telle qu'on la pratiquait chez toi, c'est encore une religion. D'ailleurs, il n'y a pas une virgule à changer dans un texte de Romère, c'est tellement beau... que je ne vois pas ce qu'on pourrait remplacer dans ce qu'il a écrit. Ça viendrait à l'idée de personne, je crois, parce que ça va de soi. Ma difficulté à moi, c'était d'oublier mon métier, mes tics, mes défauts. Ils ont tout de même des habitudes, et ils lient toujours le geste à l'expression, ce que je n'aime pas. Alors dans La Collectionneuse, eh bien, les acteurs avaient des gestes qui n'étaient pas du tout liés à l'expression. Par exemple, très souvent, ils se grattaient. D'ailleurs, s'ils se grattaient, c'est parce qu'ils avaient des démangeaisons. Parce que là, nous tournions dans cet endroit qui paraissait idyllique. Il y avait plein de petits pucerons qui les mordaient cruellement. Ou bien, ils avaient des coups de soleil, etc. Bon. Et je trouvais que c'était très bien. Ces choses-là, il ne faut pas les dire. Il faut qu'elles soient faites naturellement. Romère ne fait qu'une prise, quoi qu'il arrive. On ne peut pas ne pas être bien avec Romère, je crois, quand on est un acteur professionnel, enfin. Quand on a 20 ans, quand on a fait 20 ans des films et des pièces, il arrive inconsciemment qu'on ait des habitudes. Dans la vie, vous avez des habitudes, il faut se défaire quelquefois de ces habitudes. Or, quand on rencontre quelqu'un qui est complètement ingénu, et qui a une grâce naturelle, puisqu'il n'a pas de... Je veux dire, il ne sait pas encore pourquoi on dit quelque chose. Un acteur, c'est malin, quand même. C'est pourquoi je dis, nous devons... Tous les acteurs, même les plus grands acteurs, doivent oublier leur tic. Vous partez sans me dire au revoir? J'allais prendre mon manteau. Non, ne me raccompagnez pas. Vous allez attraper froid. Vous viendrez cet après-midi? Ah oui. Oh, venez, Vidal jaserait. Venez, soyez chic. Vous y tenez vraiment? D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls. Il y aura une fille qui peut-être vous plaira. Une blonde. Alors vous viendrez, c'est sûr? Midi juste? Bien, je tâcherai. Au revoir. Jean-Pierre Rue, image Nestor Almendros. Duché Maud est un film qui a été fait, qui a été tourné en 4 semaines et demie, complètement son direct, et qui a été monté en 8 jours, aussi bien image que son, et qui a été mixé en une journée et demie. Café, garçon, s'il vous plaît. Le travail que l'on fait est une totalité, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, c'est la bande que l'on a faite, grâce bien sûr à Romer et également à Nestor Almendros qui nous facilite la vie sur des tas de plans, images, photos, etc., que l'on peut arriver à cette qualité, à cette vérité, à cette sincérité, à cette spontanéité que l'on a rarement ailleurs. On s'en va! On se retrouve aux voitures! D'accord! C'est incroyable ce que vous ressemblez à une Ukrainienne. J'espère qu'ils ne vont pas tarder. Qu'en savez-vous? Heureusement que vous êtes venu. J'aurais fait pâle figure, moi, toute seule au milieu d'eux. Vous pensiez que je viendrais? Pourquoi pas? J'ai failli ne pas venir. Mais je tiens mes promesses. Je fais appel à de très bons techniciens, et d'ailleurs, ils sont en nombre vraiment suffisant. J'ai 3 personnes qui s'occupent de la photographie, j'en ai 2 qui s'occupent du son, enfin, ce qui est la règle générale. Et si, par exemple, j'ai des décors, ben, je fais appel à une équipe complète de décoration. Bon. Alors, en ce qui concerne les machinistes, je n'en ai pas beaucoup. Mais je préfère quelqu'un qui a une grande valeur et qui est très débrouillard et qui est très fort physiquement, je préfère une seule personne qui soit ainsi, plutôt qu'une foule de gens qui se précipitent et qui se gênent les uns les autres. Je remarque qu'il écoute beaucoup les gens qui travaillent avec lui, avec ses collaborateurs. Nestor Almendros. C'est curieux de constater que des gens qui font des films qui ne sont pas très intéressants, avec qui j'ai travaillé, me donne des ordres et il ne me consulte pas. Or, Romer est un homme très, très discret, très humble même, je dirais, et il n'est pas prétentieux, il écoutera tout le monde sur le plateau, évidemment, c'est lui qui décide, mais il y a cette grande simplicité chez lui. Là où je me passe de gens, c'est dans ce qu'on peut appeler l'équipe de la réalisation, c'est-à-dire des gens qui seraient mes assistants. Bon, j'en ai pour ainsi dire jamais, bon, et si j'en ai pris dans le dernier film, enfin c'est peut-être un peu par luxe. Parce que j'aime bien travailler tout seul et m'occuper de tout. Quelqu'un qui entrait dans un plateau de Romer, il pourrait croire que Romer n'est pas très calé, parce qu'il se donne pas des airs, enfin il fait pas son numéro de... s'il a une doute, il l'aura devant tout le monde, il est... D'ailleurs, Romer n'est pas très rapide, il pense, il réfléchit, il prend son temps... On l'entend presque penser, je veux dire. Bah, dans mon équipe, il n'y a aucun rapport de subordination. Enfin, je n'aime pas cette espèce de conception du cinéma qui est une conception militaire dans laquelle vous avez vos subordonnés, c'est ça, et vous donnez aux gens des ordres à exécuter. Enfin, personnellement, je fais tout directement, c'est-à-dire, s'il s'agit de s'adresser aux comédiens, bon, il n'y a que moi qui puisse leur parle, il n'y a que moi qui parle à qui que ce soit, de toute façon, même s'il faut acheter quelque chose, enfin, qui est important, eh bien, c'est moi qui vais l'acheter, ce sont des choses qui ont dont l'importance, à mes yeux, est aussi grande que celle de la justesse d'une réplique. Par exemple, dans le dernier film, C'est moi qui ai acheté, pour vous donner un exemple, dans une des scènes, le rideau de la douche, et suis allé également acheter la plante verte. Parce qu'il n'y avait que moi qui pouvais les choisir, et c'était une chose extrêmement importante. Spectateur le plus passif, Romer fait un écorché vif, condamné à s'interroger longtemps sur lui-même, jusqu'au moment où il lui semble qu'il peut enfin mettre en accord ses paroles et ses actes. Henri Chapier combat. La critique. La critique, c'est quelque chose qui est très loin. La critique... au jour le jour. C'est quelque chose qui est très loin de moi. En tant qu'auteur, je n'ai pas à me plaindre de la critique. C'est pas de la critique parce que mes films ont été en général très bien accueillis par la critique. Et lorsqu'il y a des critiques qui sont contre le film, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, dirais-je même. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qui est dit et même ce qui est dit contre. J'avoue n'avoir ressenti qu'un médiocre intérêt pour ces sempiternelles variations psychologiques in vitro. Ce cinéma de chambre est en fin de compte l'équivalent du boulevard. Un boulevard modernisé, repeint à neuf, mis au goût du jour, mais qui ne sait pas voir plus loin que son petit horizon bourgeois, microcosme sentimental fermé sur lui-même, intemporel, complètement coupé des réalités. Michel Capdenac, Les lettres françaises. Romer trouve l'équivalent cinématographique de la rapidité de la sécheresse des contes du XVIIIe siècle. Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur. Il serait grave pour le cinéma français qu'il n'ait pour meilleur réalisateur que des écrivains ratés. Pierre Billard, Le Journal du Dimanche. Du pur Romer. Vous êtes censé avoir déjà vu des films d'Éric Romer, votre siège est donc déjà fait. Si ça vous intéresse ce que j'en pense, c'est bien fait, c'est de la bonne notation psychologique, c'est du bon roman d'analyse, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Telle feuille de thon, Charlie Hebdo. Je ne me reconnais qu'un maître, enfin, comme français, de même que tous les gens de ma génération, c'est Jean Renoir. Bon, alors évidemment, Jean Renoir, bon, ça a été l'homme que nous admirions le plus. Et si je dis nous, c'est bien pour vous montrer que je ne peux pas nous juger. Enfin, j'étais dans un groupe, enfin, nous nous sommes détachés les uns les autres de ce groupe, c'est-à-dire que nous sommes allés dans des voies très différentes les uns des autres, disons, Chabrol, Rivette, Truffaut, Godard, etc. Mais, bon, voilà, c'est tout. Oui. Cinéma différent, cinéma de demain, l'œuvre d'Éric Romer a déjà la cohérence, la continuité des grands classiques. S'imposer la contrainte de raconter six fois la même histoire sous des formes différentes, cela ressemble fort à ces règles qui faisaient des délices de Racine ou de Corneille. Mais aucune règle ne suffit à faire un chef-d'œuvre. Chani Carbois, Télérama. Les Contes Moreau, en fin de compte, ne font qu'un seul film. Oui, enfin, ils font qu'un seul film, si vous voulez, de même qu'un bouquin, enfin, de même que les trois contes de Flaubert, qui n'ont aucun rapport entre eux, forment un seul livre. Voilà, de cette façon-là. Bon. Cela dit, on peut très bien les voir séparément, on n'est pas obligé de les voir tous. Je ne serais peut-être pas allé si loin dans la collectionneuse, si vous voulez, dans la voie de la collectionneuse, c'est-à-dire dans sa complication, et si loin dans la voie du dernier, c'est-à-dire dans sa simplicité, si je ne les avais pas écrits, l'un et l'autre. En exclusivité à Paris, la collectionneuse 45 000 spectateurs, Ma nuit chez Maud 240 000, Le genou de Claire 260 000, L'amour l'après-midi 252 000, 20 spectateurs. Il y a dans Comte Moreau un petit ironie, effectivement, si vous voulez. Bon, ils ne sont pas aussi moralisateurs que le titre pourrait donner à le croire. Si j'ai écrit six histoires semblables, c'est peut-être pour m'obliger à la variété. D'abord, la variété à l'intérieur de ces histoires mêmes, c'est-à-dire apporter des éléments cinématographiques toujours différents. Certains auteurs, par exemple, racontent des histoires extrêmement différentes, en s'inspirant de tel ou tel bouquin. Mais ils emploient toujours les mêmes acteurs. Eh bien, je trouve que, finalement, ça varie moins leur film que le fait de raconter la même histoire avec des acteurs différents. Parce que dans un film, le personnage, l'interprète, c'est aussi important que l'histoire. Et dans mes contes moraux, je suis d'une infidélité totale et systématique à tous mes acteurs. C'est curieux comme je n'aime pas quitter les gens. Je suis fidèle, même à vous. C'est pourquoi, dans l'absolu, il faudrait ne pas avoir à quitter les gens. Il faudrait ne pas avoir à oublier, il faudrait n'aimer qu'une seule fille, et pas une autre, même platoniquement. Surtout pas platoniquement. Vous savez, il a des principes, Romer. Jean-Claude Brialy. Alors, il s'en tient à ses principes, bien souvent. Mais heureusement, il est un homme aussi. Je veux dire qu'il est fragile. La Sonate à Kreutzer, c'est un film tout de même, c'est pas n'importe quoi. Le fait qu'il m'ait repris une seconde fois m'encourage à penser qu'il me prendrait une troisième. Vous voyez, ce que je vous reproche, c'est votre manque de spontanéité. Je vous ouvre mon cœur. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je ne crois pas beaucoup à votre façon d'aimer sous condition. Enfin, tout ça est d'une logique interne extraordinaire. Claude Chabrol. C'est un homme qui a un perpétuel silice. Enfin, il se force à se fabriquer des difficultés parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il pourra s'exprimer de la façon la plus pure. Pour lui, c'est un âne aussi. Enfin, un âne dans le sens qu'il est têtu. C'est une brique, quoi. Il est têtu d'une façon incroyable. Alors, rien ne peut l'empêcher d'aller tout droit. Je pense qu'il n'y a que la difficulté est une inspiratrice, c'est évident. Mais... Enfin, moi, je suis très bon... Enfin, je ne vais pas beaucoup au cinéma, mais enfin, j'ai beaucoup aimé le cinéma, j'ai continué à l'aimer. Et quand je vais voir un film, enfin, je pense à très au sérieux, et j'essaie d'éprouver le plus grand plaisir, eh bien, je suis souvent... Enfin, beaucoup de films m'ennuient, pour des raisons de ce genre, parce qu'ils ne cherchent pas à difficulté. La façon dont il va directement au but me fascine, moi. C'est vraiment... C'est la bourrique, quoi. C'est le type qui va tout droit, qui les obstacles s'écartent, c'est très étonnant, je trouve. Je connais que Pierre Freinet dans sa loge qui est un lit de camp, je veux dire, ou Napoléon pendant les campagnes. Je veux dire, il dort. Mais c'est pas pour. En plus, je tiens à me dire, c'est pas pour faire un genre, je veux dire, c'est pas même une indiscrétion de le dire. Il est quelqu'un qui vit à la rude et il mène son corps et son cœur à la rude. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est entier, total. Et quelquefois, justement, cette espèce de rigueur, cette espèce de, même de, quelquefois, ce qu'on prend pour de la froideur, et il est parfois très égoïste, et si vous parliez des défauts, il est quelquefois, il se rend pas compte que tout le monde n'est pas comme lui. Par exemple, il dit, ah bon, le matin, on tourne à 4 heures du matin. On lui dit, mais le syndicat, les horaires, il comprend pas, je veux dire. Et puis, c'est pas pour faire un genre, ce n'est pas du tout un dictateur, ni rien. Il ne comprend pas parce que lui, il a envie. J'ai bien une idée à l'avance, mais en fait, cette idée ne se précise qu'au moment du tournage, sur le plateau. Enfin, je n'écris pas, comme on faisait autrefois, d'ailleurs, comme on fait de moins en moins, ce qu'on appelait le découpage technique, c'est-à-dire plan par plan, gros plan, plan rapproché, etc. Je ne sais pas à quel moment, par exemple, ma prise va s'arrêter à l'avance et c'est au moment de tourner que je fais répéter et à ce moment je dis, tiens, le plan s'arrêtera là, à ce moment-là on fera un contre-champ, on fera un gros plan, etc. Il était venu repérer l'endroit où nous tournions dans cette maison-là, et bien entre-temps, à 800 mètres de là, on a commencé à construire une maison, n'est-ce pas? Et bien, il est allé demander aux ouvriers de démolir la maison parce que ça gênait pour ses prises de vue. Et il ne comprend pas que les ouvriers n'aient pas démoli la maison. On avait beau lui expliquer, monsieur, votre cinéma c'est bien joli, mais nous on s'en fout, on fait une maison. Alors il revient, il est un peu triste, quoi. Je veux dire, il ne comprend pas. Et effectivement, il a une, il vit dans une espèce de folie parce que c'est la passion, il aime le cinéma. Sur Manu chez Maud, c'était Léonide Kogan. On a eu 10 minutes en tout et pour tout pour enregistrer Kogan à l'opéra de Clermont-Ferrand. On peut se voir demain? C'est le 24. Je vais à la messe de minuit, mais si tu veux venir avec moi, pourquoi pas? À vrai dire, je devrais aller réveillonner chez une amie, mais il n'est pas certain qu'elle soit là. Elle a des problèmes familiaux. Tu sais, je disais ça comme ça. Mais si. L'amour l'après-midi, c'est une fois de plus un homme et deux femmes. Michel Durand, le canard enchaîné. Il faut arriver à filmer des choses presque sur le vif. Et en même temps, il faut qu'elle soit autre chose que cela. C'est ce qui est présent, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est difficile et c'est ce qui est périlleux. Et d'ailleurs, ça dépend peut-être de l'état d'esprit dans lequel on est pour voir le film. Enfin, personnellement, la dernière scène aussi m'a gêné, tellement elle était réussie. Et elle m'a gêné à tel point que je n'ai pas pu la voir d'ailleurs moi-même. Au moment de la première projection. Enfin, je me suis mis dans la cabine de façon que le son soit un peu brouillé par le bruit de la projection de l'appareil. J'ai pas voulu être... Non, d'abord, les acteurs étaient là, et enfin, je voulais laisser à leur réaction. La difficulté. Au début, j'ai eu d'énormes difficultés, et puis j'en ai eu plus du tout depuis le succès de Manu chez Maud. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire, ça va de zéro à l'infini. Enfin, ça va de... Du pire au meilleur. Romère, et ça lui plaira pas du tout qu'on dise ça, mais c'est ce que je pense. Jacques Doniol-Valcroze. Je crois qu'il est quelque part fondamentalement conservateur. Et ce qui n'est pas du tout mon cas. Ben, vous savez, moi je trouve qu'il est tout à fait normal d'avoir des difficultés quand on commence et puis d'en avoir moins ensuite. Hein. Prenez un film comme le dernier, comme L'amour l'après-midi, qui est un très très beau film, je veux dire, sur le plan du cinéma tout court, de la forme, de ce que c'est qu'un auteur de film, de faire un film, c'est tout à fait admirable et remarquable, et je tire mon chapeau, et je suis tout à fait certainement incapable d'en faire autant, mais le propos du film est finalement, à mon avis, fondamentalement en faveur de l'ordre. Je ne pense pas que le cinéma soit une carrière comme ça, sans aventure, sans difficulté, toute tracée, comme certains peuvent le croire. Enfin, je pense qu'il faut tout de même souffrir un peu et avoir des difficultés, et que c'est très bien. Alors, il existe en France des moyens pour aider les jeunes cinéastes, enfin... Bon, par exemple, au centre du cinéma, il y a une avance qu'on appelle l'avance sur recette qui est donnée à des scénarios. Ben, personnellement, j'ai présenté mes scénarios parce qu'il fallait tenter ma chance, mais je n'ai jamais obtenu cette aide. Je l'ai obtenu, je crois, pour Manu chez Maud, mais une fois que le film a été primé à Cannes, parce qu'on peut la donner une fois que le film est terminé. Bon. Eh bien, je m'en suis passé, j'ai réussi à m'en passer. La recherche de la vérité. Une certaine indiscrétion est une chose, enfin, c'est une garantie de la vérité. Bon, il faut être vrai, mais il ne faut pas que cette vérité au cinéma, eh bien, bascule dans une certaine indiscrétion. Et je pense que. Enfin, c'est tout l'art du cinéma. Je voulais c'est tout l'art du cinéma, c'est-à-dire montrer des choses qui, en fin de compte, ne méritent pas d'être montrées, et arriver à faire une création avec la réalité elle-même. Éric Romère n'est pas un intellectuel. C'est un homme très intelligent, très pudique. Et très sensible. voilà ce que c'est. Enfin, si le cinéma était un simple instrument de reproduction des choses, si vous voulez, si c'était la vision par un trou de serrure, à ce moment, ça serait quelque chose d'extrêmement vil, d'extrêmement méprisable. C'est pas intéressant, d'ailleurs. Bon, ça ne ferait que satisfaire une basse curiosité. Mais il aime beaucoup la vie. Il est marié, il a deux enfants. Si inversement le cinéma c'était une sorte de stylisation des gestes de reconstruction comme le ballet, eh bien ça ne serait pas un art original, ça n'apporterait absolument rien. Alors le cinéma est entre les deux, si vous voulez, sous les apparences d'une certaine indiscrétion, il arrive tout de même à transformer, à sublimer la réalité. Alors là, pourquoi, comment, par quelle magie, c'est ce que j'en sais rien. Alors, bon. Ce qui me frappe le plus, c'est que logiquement, c'est un film qui devrait être épouvantablement mauvais, ennuyeux, sans public possible, et que très vite la magie joue et que c'est complètement fascinant. Et si certains cinéastes dans l'histoire du cinéma enfin, sont arrivés à cette transmutation, ça ne veut pas dire que tout le monde y arrive. Alors moi-même, j'en sais rien, il se peut que je me trompe. Je voudrais, si vous voulez, mon but, si vous voulez, c'est de raser, c'est de frôler cette indiscrétion sans jamais y tomber. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y ait jamais d'indiscrétion pour l'indiscrétion, si vous voulez. C'est qu'il y ait toujours autre chose. C'est vraiment, ça fait partie des cinéastes qui ont un mystère dans la façon dont ils tournent, quoi. Très difficile à savoir où est le fond du secret, quoi. Il n'est pas pour le désordre. Il a fait toute une série de contes moraux en film. Sam Couteau. Il me semble. Il n'y a pas de titre qui me vient à l'esprit. Le genou de Claire, il y a L'amour l'après-midi. Nous ne sommes que trois. À tutoyer Romère. Il y a Godard. C'est Gégoff. Et moi, parce que j'étais inconscient. De film, j'aime bien le style. Si vous essayez d'envoyer quelqu'un voir, comment est-ce que vous lui en parlez? J'essaye de lui dire que c'est un film très réaliste, proche de la réalité. Et, disant que Romère a travaillé énormément avec des amateurs ou des gens qui n'étaient pas des comédiens professionnels. Les sujets d'une manière justement très réaliste, très concrète et sans prendre les grands. Je ne sais pas tellement comment est-ce que j'argumenterais. Mais... Il ressemble un petit peu à un grand clown blanc. Vous pouvez me dire que vous faites la queue pour le cinéma, là. Est-ce que vous allez voir? Il faut du stade. Vous connaissez que le réalisateur... Clap sur Éric Romère. Musique Jean-Sébastien Bach. Vangelis Papathanassiou. The Nice. Claire Viret. Julie Dassin. Jean-Louis Beck. Édouard Campras. Pierre Girard. Richard Rhin. Janine Chollet.